Eh bien, d'abord, merci beaucoup à tous ces amis, visages amis qui sont venus me soutenir. C'est vraiment tout à fait charmant et sympathique. Merci beaucoup. Alors, je voudrais commencer par lever le malentendu, si on peut dire, du titre. Parce que quand j'ai parlé de ce titre à mes petits-enfants, ils m'ont tous dit « c'est hermétique ». On ne sait pas ce que ça veut dire « ci-devant ». Alors j'étais un tout petit peu choquée parce que je croyais, en tout cas, ma génération avait appris ce que c'était qu'un « ci-devant ». Mais les générations suivantes ne le savent plus. Et comme vous savez, c'était en général un « ci-devant » noble, une « ci-devant » duchesse ou au minimum... comtesse peut-être, marquée, enfin je ne sais pas. Mais bref, c'était toujours la manière de désigner des gens qui, avant la Révolution, étaient haut placés. Et évidemment, la Révolution a changé les choses, mais ici, en sens inverse, il est passé de l'opprobre d'être un bâtard à une condition bien meilleure. Et c'est pourquoi je trouvais que le petit clin d'œil du « ci-devant bâtard » était plutôt amusant. Alors tant pis pour ceux qui ne le comprennent pas, il paraît que c'est très bien, les titres hermétiques, c'est parfait. Personne ne sait ce qui va lui tomber sous la main, et voilà, ou sous les yeux, et voilà. Alors donc, vous étiez, vous, beaucoup plus avertis, certainement. Alors... pourquoi un deuxième livre? Évidemment, parce que quand on a parlé de la persécution et des situations catastrophiques qui suivent la révocation de l'édit de Nantes, on est obligé, d'une certaine manière, de reconnaître que le changement a pris place, quand et comment. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai cherché à faire dans le deuxième volume, qui se passe quand même, grosso modo, 120 ans ou 125 ans après la génération de la première histoire. La première histoire, comme vous le savez, du moins un certain nombre de gens le savent, était fondée sur deux petits actes juridiques que j'avais retrouvés grâce à un vieux savant et un article de la fin du 19e siècle qui mentionnait les malheurs et les suspicions qui entouraient une famille, et par un coup de chance incroyable, cette famille était celle des ancêtres de mon mari. On ne pouvait pas s'y tromper parce que des chevaliers, il y en a énormément, mais ils avaient le surnom ou le petit titre, entre guillemets, de Sieur de l'Étang. Et chevalier Sieur de l'Étang, dans ce petit village d'Étaules, ça ne pouvait pas être autre chose que des ancêtres de Maxalin Chevalier. Et du coup, je m'étais dit, au fond, on pourrait partir de ces deux petits actes juridiques qui concernent des frères chevaliers au moment du naufrage d'un bateau, pour raconter comment, quelques années après la révocation, ces deux actes étaient de 1688, évidemment, c'est-à-dire 3 ans après la révocation de l'édit de Nantes, ce que ça signifie pour des gens qui sont restés. Parce qu'en général, on parle beaucoup de ceux qui sont partis, et des gens du refuge et du grand pourcentage, environ 1/5 des protestants de France qui sont partis s'installer dans les pays dits du refuge, c'est-à-dire les pays protestants des environs, de tout autour, et même parfois fort loin, puisqu'il y en a qui sont partis non seulement dans le Nouveau Monde, mais même en Afrique du Sud. Donc, on parle souvent soit des gens qui sont partis au refuge, soit des gens qui ont subi alors les pires peines, les galériens, les prisonniers indéfinis comme la pauvre Marie Durand à la tour de Constance, qui sont devenus au fond le prototype, voilà, c'est ça. La révocation de l'édit de Nantes a causé ça. Mais elle a aussi, ou cette révocation, causé le malheur des petites gens au ras de la vie quotidienne, qui voulaient rester ce qu'ils étaient, qui voulaient rester protestants, mais qui étaient étiquetés nouveaux convertis et qui par conséquent devaient se comporter comme des catholiques récents, si je puis dire. Ils étaient surtout des catholiques réticents, ils ne voulaient absolument pas qu'on leur force leur foi, leur conviction, et ils continuaient à penser que si l'Église romaine soutenait la politique royale, c'est qu'elle ne comprenait rien à ce qu'ils étaient. Et c'est tout à fait certain que les meilleurs pensants du clergé catholique, ceux qui pensaient que les protestants étaient perdus parce qu'ils étaient dans l'erreur fondamentale, ils étaient perdus, il fallait tâcher de les sauver. Mais on les avait forcés, on leur avait forcé la main avec des dragonnades, c'est-à-dire par la violence. Et alors il y a ce bon Fénelon, Fénelon qui vient essayer d'apaiser le malheur de la Saintonge en leur expliquant qu'on pourrait aussi les prendre par la douceur, par leur grand amour, des prédications bien faites. Et du coup, ils viennent en foule écouter Fénelon, parce qu'il est un très bon orateur, parce qu'il met même en scène avec ses comparses, qui sont des gens très intelligents, le pasteur et l'ecclésiastique catholique. Et le dialogue est passionnant, les gens viennent en foule, c'est très intéressant. Mais naturellement, c'est toujours le ministre catholique qui gagne la polémique et qui essaie d'entraîner des conversions qui soient enfin un petit peu plus convaincues que celles qui ont été emportées par la violence. Donc, j'ai essayé, à partir d'une famille, et à partir des situations tout à fait concrètes des petits-enfants, de la vieille dame, du froid, du chaud, j'ai essayé de raconter dans le premier livre comment on survit à la révocation quand on est resté et qu'on est obligé d'être hypocrite et qu'on est obligé de temps en temps de se plier parce que sans ça, qu'est-ce qui va se passer ? Le pauvre héros de l'histoire qui se retrouve en prison à la fin sait très bien que s'il ne tend pas, s'il n'orne pas sa maison pour le passage de la procession de la fête Dieu, le curé qui l'a à l'œil le fera arrêter. Et par amour pour sa femme et pour les tout-petits, on ne peut pas, il faut faire semblant, on va tendre cette maison. Et pourtant, cette procession, ce Saint-Sacrement qu'on promène, ce n'est pas le Seigneur. Tout le monde sait que le Seigneur est au ciel. Comment peuvent-ils dire qu'il est là ? C'est pas vrai. Alors on va tendre, mais est-ce que c'est une idolâtrie ? Est-ce qu'on va être puni comme le peuple d'Israël toutes les fois où il est idolâtre ? Et on peut imaginer les tourments de conscience, le malheur moral, plus encore que physique, de ces gens. Naturellement, quand Élie, puisqu'il a ce beau nom, puisqu'Élie est emprisonné, la nuit, on peut enfin chanter les psaumes. Il y a une histoire étrange et que j'ai peu à peu découverte, c'est tous les documents qui nous répètent comment le roi Louis XIV et tout le clergé catholique considèrent les psaumes huguenots comme inaudibles. Ça heurte, ça fait souffrir les oreilles royales. Et bien avant la révocation, il est interdit de les chanter, il est interdit qu'on les entende dans la rue, il est dans les lieux de culte et bien enfermé. On ne peut pas les empêcher de chanter, ces pauvres gens. Mais le roi répète, édit après édit, que les psaumes sont interdits. Et naturellement, en prison, on n'a plus rien à perdre, on peut les chanter. Et c'est comme ça que l'histoire se termine, ou à peu près, par les chants, la nuit, de ces gens qui, enfin, il paraît d'ailleurs qu'ils les chantaient très fort, c'est peut-être pour ça que ça heurtait les oreilles royales, il paraît, j'ai appris récemment, qu'ils gueulaient, vraiment. Ils étaient si convaincus, ils étaient si persuadés que c'était ce que la Bible nous avait donné à chanter, que voilà, on les chantait de tout son cœur et très fort. Et là, en prison, on peut enfin le faire à ses risques et périls, puisqu'il y a des punitions de temps en temps. Alors ensuite, il se passe quand même beaucoup de choses en 120 ans. Il s'agit du XVIIIe siècle, très vite, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin du XVIIe, au moment de la révocation, et très vite va apparaître, très vite, pas si vite que ça, l'idée de tolérance. Pas si vite que ça parce que, en réalité, le clergé pense, tant pis, il y a une génération perdue, ces adultes que nous avons forcés, ils font semblant, tant pis, mais les enfants, en tout cas les enfants, on va en faire de bons catholiques. Et pour ça, que faire? Eh bien, la plupart du temps, les mettre dans des couvents pour une rééducation convenable. Et là aussi, je n'ai eu qu'après avoir fini et publié le premier livre, un bouquin tout à fait extraordinaire, qui est alors un livre savant, sur les dizaines de milliers d'enfants protestants qui ont été mis dans des couvents et qui ont été en quelque sorte une espèce de lavage de cerveau. Vos parents se trompent, on va vous dire où est la vérité et vous saurez comment on doit être chrétien. Et le résultat est évidemment mitigé. Il y en a certainement qui ont été convertis profondément et définitivement, mais il y en a beaucoup, comme ma Suzanne, qui font semblant, passent le temps. On va passer presque 2 ans au couvent. Bon, on n'en pense pas moins. Pourquoi est-ce que on serait converti alors que on chante des hymnes à Marie, on fait toutes sortes de choses que les parents ont toujours réprouvées? Donc cette pression sur les familles a été un des malheurs, sans aucun doute un des plus graves malheurs, et le livre que je n'avais pas eu entre les mains mais qui est très remarquable, malheureusement je ne peux pas vous en donner l'auteur parce que je ne l'ai pas retenu, ce livre vraiment présente les choses de façon plus sombre que je ne l'ai fait. J'ai fait comme si ma Suzanne finalement était relativement libre, tout au moins tout à fait en prison dans ce couvent, mais libre dans sa pensée, alors qu'il semble que les pressions ont été très très fortes sur certaines de ces jeunes filles. Pourquoi plutôt les filles? Eh bien parce que, d'une part, on pensait que les garçons seraient plus fortes têtes, et d'autre part, elles vont être des mères de famille, elles vont être des éducatrices, et évidemment, si elles sont converties, elles seront des mères convenables qui éduqueront convenablement leurs enfants. Donc très lentement apparaît l'idée de tolérance. Et cette idée va être fortement développée, ou plutôt, on va développer le caractère négatif de l'intolérance dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est un peu un tournant. Mais avant, il y avait eu faux. Après, il y a eu quelques épisodes dramatiques repris par Voltaire et qui ont beaucoup marqué les esprits, en particulier la fameuse affaire Calas. L'affaire Calas, comme vous savez, on accuse un homme d'avoir tué son fils. Le fils, manifestement, a été étranglé. Il y a encore de la place. Tout plat. Beaucoup. Merci. Salut. Je parle de l'affaire Calas, qui va permettre un tournant dans la pensée en France, parce que le livre, qui d'ailleurs a été édité à Kehl, le livre de Voltaire s'appelle « Traité de la tolérance », et il explique que ce père Calas, qui a été roué vif, ce qui est un supplice assez affreux, ce père Calas n'avait pas tué son fils, mais que le garçon s'était pendu, et c'est par honte de... comment dire, oui, de la honte d'un suicide, que les parents l'ont dépendu et n'ont pas pu se défendre quand on a dit « mais c'est vous qui l'avez tué ». le père Calas a été roué vif, Voltaire écrit son traité et essaie de faire passer l'idée qu'on a commis une erreur judiciaire gravissime et qu'il faut réhabiliter la mémoire de Jean Calas. Ça se passe réellement. Les capitouls de Toulouse sont condamnés, ou plus exactement, on considère leur erreur. La réhabilitation du père Calas va jusqu'à la cour et on grave de charmantes images où la famille Calas en larmes est reçue à Versailles par le roi et sa famille. Probablement que cette histoire, qui aurait pu être juste une petite histoire, un petit fait divers local, comme il y en a eu beaucoup, beaucoup, a eu cette ampleur parce que les esprits étaient prêts à recevoir ce message. Mais aussi parce que la plume de Voltaire était connue et remarquable, et aussi probablement parce que le tournant était en train de se prendre. Nous sommes dans les années 1760, début des années 1760. À ce moment-là, les gens qui sont saisis dans une assemblée, au désert, entre guillemets, c'est-à-dire dehors, souvent la nuit, souvent dans des bois, des grottes, toutes sortes de lieux plus ou moins secrets, mais je dis plus ou moins, parce qu'inévitablement ça se savait, et que peu à peu, les répétitions d'assemblées à un même endroit ne pouvaient que impliquer qu'on allait pouvoir saisir. Eh bien, de moins en moins d'assemblées sont saisies, de moins en moins de ceux qui y étaient sont envoyés aux galères, et même les tout derniers pasteurs qui sont pendus, c'est dans les années 1763 ou 5, donc à une espèce de tournant où on ne peut plus. Chacun savait dans les assemblées que si elle était saisie, le prédicateur était condamné à mort. Ça, il le savait. Et du coup, en fonction de ça, comment dire, ceux qui avaient en quelque sorte le courage d'être prédicants, de dire qu'ils voulaient être pasteurs, savaient très bien que leur vie ne tenait qu'à bien peu de choses. Les derniers pasteurs exécutés, je crois que c'est les frères Rochette, et là aussi au début des années 1760. Donc, un tournant. C'est aussi la période où on va libérer la petite Marie Durand de sa fameuse tour de Constance après 38 ans. 38 ans où il suffisait, jour après jour, d'une signature et de dire « j'abjure » et de signer pour sortir. 38 ans où elle a été l'encouragement, comme vous savez, l'encouragement de ses co-détenus, l'encouragement aussi parce qu'elle écrivait, elle savait écrire, et qu'elle écrivait des lettres aux autorités religieuses des pays du refuge pour recevoir des secours, très souvent matériels. Elle remercie pour un envoi de je ne sais quelle céréale qui les a, des haricots, je crois, enfin des choses qui matériellement les aidaient à vivre dans cette prison. Chacun sait que les prisons, on y était très très mal nourri et que si les familles n'apportaient rien, c'était très précaire. Alors elle s'adressait à la grande famille religieuse internationale et elle obtenait de l'argent et quelquefois des vivres, et ou des vêtements d'ailleurs. Donc, en fait, à peu près dans ce tournant des années 1760, on commence à libéraliser, d'une certaine manière, la compréhension, puisque ces gens continuent à dire qu'ils ne sont pas catholiques, on va peut-être les laisser faire. Et dans la région charentaise, dont va parler mon vieil homme qui raconte sa vie et ses expériences, dans la région charentaise, il y a le marquis de Sénectère, il devait y en avoir comme ça ailleurs, qui est un vieil homme catholique, tout à fait bien pensant, mais qui dit « il ne faut pas leur faire de mal ». et qui connaît parfaitement le fait que Monsieur Jarousseau, le pasteur Jarousseau, a une cache dans sa maison, alors il l'a averti. Le jour où je viens, où les troupes viennent pour vous saisir, je leur ai donné l'ordre, dit le marquis de Sénectère, de battre du tambour tout le long du chemin, et quand vous entendrez le tambour, vous vous mettez dans votre cache, et ils ne l'ont jamais trouvé. Monsieur, c'est tout à fait un paradoxe, ce pasteur Jarousseau, qui pendant des années hésitait à se marier parce qu'il disait à sa fiancée, il ne faut pas qu'on se marie, je vais être pendu d'ici peu. Non, je ne peux pas te faire ce cadeau d'être veuve trop tôt. Bref, ils s'étaient quand même mariés, ils avaient eu 5 filles et ils étaient finalement pas si malheureux. À force de se cacher, il avait que 90 ans, ce qui à l'époque était totalement rarissime. Le pasteur Jarousseau est devenu un personnage tout à fait légendaire dans la région. Il y a un livre qui a été écrit par un de ses descendants qui raconte ses malheurs et ses bonheurs avec beaucoup d'humour et voilà, c'est certainement une grande légende dans la région là-bas. Et alors naturellement, mon vieux François le connaît bien, l'a pratiqué, et j'essaie d'imaginer des dialogues avec plusieurs des pasteurs historiquement connus de cette époque. Parce qu'il y a Jarousseau qui était revenu. Alors, il faut quand même dire 3 mots de leur formation. Leur formation était très insuffisante, on ne pouvait plus la faire en France, bien entendu, mais il y avait un séminaire à Lausanne, un séminaire où on essayait, en 3 ans, de former des pasteurs courageux, évidemment, qui repartiraient. On a dit que c'était une école du martyr. Bref, ces gens n'apprenaient pas les langues anciennes, on n'avait pas vraiment le temps, ne faisaient pas tellement de biblique, peu de dogmatique. En fait, progressivement, ce qu'ils apprenaient surtout, c'était la morale. Et très curieusement, on a l'impression que les dernières générations de cette période avant la liberté, ce sont des gens qui théologiquement sont très démunis, très pauvres, parce que leurs pasteurs les exhortent à bien se conduire, bien sûr, mais théologiquement, il y a très peu de choses, et c'est une des découvertes que je fais maintenant que le livre est fini, c'est qu'en réalité, il y a eu des visiteurs moraves qui sont épouvantés par le niveau tellement faible théologiquement des gens qu'ils découvrent et qui se vantent d'être des protestants fidèles, mais ils ont lu leur Bible tout seuls, ils n'ont plus eu de prédication pendant bien longtemps, et peu à peu les pasteurs sont revenus de plus en plus moralisants, et peut-être, ça vous ne le trouverez pas dans le livre, je vous le dis en prime, peut-être qu'effectivement il fallait un réveil, il fallait que quelque chose redémarre de façon à la fois plus biblique et plus théologique par rapport à ce qu'ils avaient réussi à garder dans leur pauvreté spirituelle de plus d'un siècle. C'est tout de même très long, et c'est ça que je voudrais maintenant, je voudrais maintenant montrer comment ce tournant a été pris. Parce que « bâtard », c'est une injure qu'il avait reçue, mais pourquoi ? Pourquoi traitait-on les petits protestants de « bâtards » ? Tout simplement parce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas inscrits chez le curé, c'est-à-dire n'avaient pas été baptisés catholiques, et que le curé, qui voit ses flopés de petits-enfants, sait que les parents n'ont pas été mariés à l'église, donc ce sont des couples illégitimes. Ça ne nous trouble plus du tout, mais ça les troublait beaucoup. Voilà des couples fidèles et durables qui sont illégitimes et dont les enfants sont des bâtards. Et très souvent, le curé a, j'en ai eu des documents sous les yeux, le curé a sa propre liste des enfants non baptisés qui ne sont donc inscrits nulle part, et il met chaque fois illégitime, illégitime, illégitime. Et donc, si mon enfant François s'est fait injurier par ce terme de bâtard quand il a 7 ans, et ça le marque toute sa vie, il s'est fait injurier parce que des méchants garnements ont appris qu'ils étaient des enfants illégitimes. Il y a même un texte, et je le mentionne, où un des pasteurs, 4 ans après le mariage des parents, alors que c'est le 3e enfant, je crois, Marc, je ne sais plus le nom de la petite fille, disons Marguerite, fille de sa fiancée, 4 ans après la période où ils ont commencé à vivre ensemble, après une bénédiction au désert, dans une assemblée interdite. Il y avait eu au début, avant que ce soit coutume de faire des mariages plusieurs à la fois dans une grande assemblée, il y avait une coutume qui était d'aller se faire inscrire chez un ancien notaire protestant. Alors les deux familles, la famille des deux futurs conjoints se mettaient d'accord. Il y avait une sorte de contrat signé devant cet homme de loi qui ne l'était plus, puisque c'était un des métiers interdits. Et les parents, les enfants, le notaire signaient et gardaient précieusement le document validant ce qu'ils considéraient comme un mariage devant Dieu et devant les hommes. Mais le curé ne pouvait que considérer ça comme illégitime, puisqu'il n'y avait pas une messe de mariage, puisqu'il n'était pas venu se faire inscrire à la paroisse et que leurs enfants ne pouvaient être que des bâtards. Et comme les choses durent, un siècle, c'est beaucoup, toute une partie des hommes politiques de France disent au roi, écoutez, on a fait comme s'ils n'existaient plus. Ils existent encore, mais maintenant, ils sont tous illégitimes, tous ces gens, parce que leurs parents ne se sont pas mariés devant un curé et parce que leurs enfants n'ont pas été baptisés catholiques. Et on voit Choiseul, on voit Malesherbes, on voit Lafayette, on voit une série d'hommes politiques importants qui remontrent au roi Louis XVI, il faut régler le statut, l'état civil des protestants. L'état civil des protestants qui est inexistant. Puisqu'ils existent encore, il faut absolument qu'ils aient le droit d'exister. Et en attendant, on a un petit pourcentage, bien sûr diminué, réduit, mais on a un pourcentage des sujets de Sa Majesté qui ne sont nulle part, qui sont des sans-papiers, comme on dirait maintenant, des sans-papiers. Et notre François est très sensible à ça. C'est une de ses souffrances les plus profondes d'avoir été pendant si longtemps un illégitime. Et il prend sa revanche en quelque sorte. Il va être maire de sa petite commune, il va avoir une importance dans le petit pays des Tôles et la région, et il essaie de faire partager à ceux à qui il raconte à la fin de sa vie, il essaie de leur faire partager cette incroyable merveille d'être enfin à égalité. Alors là, liberté, égalité prend absolument tout son sens d'être à égalité avec ceux qui sont du bon côté, c'est-à-dire les catholiques du royaume. Donc en quelque sorte, il y a eu pendant plusieurs décennies, deux ou trois, je dirais au moins une trentaine d'années, des démarches faites par les ministres et par différentes autres personnes. L'état civil des protestants. Le roi, ça ne l'intéresse pas. Mais surtout, il va falloir en quelque sorte désavouer Louis XIV. Il va falloir dire, Louis XIV a fait semblant qu'il n'y en avait plus, il y en a encore. Hélas, on a fait ce qu'on a pu, il n'y en a plus. Il y en a toujours. Alors comme il y en a encore, tâcher de régler, et le roi va s'y décider à force de pression en 1787, 2 ans avant la révolution seulement. Mais naturellement la révolution personne ne sait, et d'autre part c'est un acte qu'on a appelé l'édit de tolérance, mais en réalité il s'appelle édit en faveur de ceux qui ne font pas profession de la religion catholique. Qui ne font pas profession, ça veut dire qu'on reconnaît que, ma foi, ça n'a pas vraiment marché. Et le résultat, c'est que cet acte leur dit, vous aurez un état civil. Il va y avoir des juges qui vont ouvrir leurs portes et qui vont recevoir vos déclarations avec témoins, surtout si vous apportez le document, sur vos mariages, vos naissances, éventuellement la mort des grands-parents, mais parce que les successions sont devenues un casse-tête effroyable, puisqu'ils ne sont inscrits nulle part. Bien. Et d'autre part, cet acte sera accompagné d'un versement d'une très forte somme, presque, enfin, on a pensé que c'était un impôt, mais enfin, bon, presque une amende, très forte somme, pour chaque famille qui viendra se faire inscrire. Seulement, c'est tout. Cet acte bizarre, pour ceux qui ne font pas profession, ne donne pas la liberté de culte, ne donne pas la liberté de conscience, et juste l'état civil. On a besoin d'un état civil, et bien on le donne, et puis c'est tout. Grosse déception. À la fois, on a acquis l'égalité devant la loi, mais on n'existe toujours pas, en réalité, dans la possibilité d'exercer son propre culte. Et c'est seulement la Révolution française, comme vous le savez, d'abord avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ensuite avec d'autres actes que je vais un tout petit peu détailler. La Déclaration des droits de l'homme, c'est déjà l'été 1789, c'est-à-dire très vite. Presque, oui, dans les premiers soubresauts de la Révolution et dans l'enthousiasme de ces premiers temps. Il y a à Paris un fils du vieux pasteur Rabaud. Paul Rabaud est un pasteur des Cévennes très connu, qui lui aussi avait eu sa tête mise à prix pendant des années, et son fils est un homme politique, pasteur aussi, mais n'a pas passé beaucoup de temps à Lausanne, du point de vue religieux, je ne sais pas trop, mais surtout, il est un homme politique connu, et sur le fameux tableau du serment du jeu de paume, on a trois personnes au premier plan, on a l'abbé Grégoire, le fils de Paul Rabaud, qui s'appelait Rabaud Saint-Étienne, et c'était une sorte de surnom, Rabaud Saint-Étienne, et le troisième personnage, je ne me rappelle plus, qui prête serment là-devant. Rabaud Saint-Étienne, au moment de l'Assemblée constituante, l'Assemblée nationale, pas encore constituante, se trouve président de l'Assemblée pendant 15 jours. Il y avait un renouvellement tous les 15 jours. Et pendant 15 jours, un huguenot est président de l'Assemblée. Et il écrit à son père: mon père, le président de l'Assemblée est à vos pieds. Et c'est pour eux une revalorisation folle, absolument impensable. Il a cette autorité d'être parmi ceux qui vont décider de cette constitution. La constitution, c'est un mot pour François magique. On y tient, on aura quelque chose qui enfin nous mettra non seulement libre, mais à égalité. Seulement, le jour où on doit discuter sur les questions religieuses, personne n'est d'accord. Rabaud Saint-Étienne avait fait une formulation positive, et ce qu'il va sortir est double ou triplement négatif. Tout citoyen a droit à la liberté de conscience, même religieuse. Ceci entre parenthèses, parce que le dire franchement, c'était un peu embêtant. Alors, on va le mettre simplement entre parenthèses, même religieuse, à condition qu'elle ne nuise pas à l'ordre public. Alors, cette déclaration à reculons, cette déclaration avec ses négations répétées, dit bien liberté de conscience. Et c'est ça qui leur importe. Liberté de conscience, ils vont avoir la liberté de culte 2 ans après, en seulement en 91, et ils vont avoir dans l'hiver 90, ouf, la possibilité d'exercer tous les métiers. Pendant 100 ans, ils ne pouvaient pas être médecin, ils ne pouvaient pas être sage-femme, ils ne pouvaient pas être aide-soignant, peut-être, mais ils ne pouvaient pas être juriste, ni notaire, ni juge, ni avocat, toutes ces professions étaient interdites aux non-catholiques. Alors, forcément, la plupart d'entre eux étaient propriétaires terriens ou commerçants. On a dit, les juifs s'étaient cantonnés dans le métier de commerçant. Quand on vous interdit tous les métiers, il vous reste quelques métiers précis, comme celui de commerçant, par exemple. Bref, c'est un petit peu ce qu'ils avaient connu. Et c'est seulement progressivement et à reculons qu'on va leur accorder ces droits qui les rendent vraiment libres et égaux aux autres citoyens. Donc le ci-devant bâtard, c'est quelque chose de capital dans la vie de ce pauvre homme, c'est qu'il ne l'est plus. Il est enfin égal à tous les autres. Et je dois dire que, naturellement, j'ai imaginé, ça fait partie de la petite marge de fiction, j'ai imaginé ses sentiments le jour où il a été élu maire, en 90, élu maire de la petite commune d'Étaules. Il y a eu des gens pour dire, mais enfin, est-ce qu'un ancien huguenot peut être maire d'une petite commune? Pas possible. Et voilà, il l'est, il a l'appui et le respect de ses concitoyens, et il fait ce qu'il peut, parce que les années de la Révolution et celles de l'Empire sont des années où les campagnes souffrent beaucoup, manquent de tout, manquent de pain, manquent de blé, et que... J'ai imaginé que la plantation de certains des arbres de la liberté, parce qu'on en plante au moins 2 ou 3 dans cette commune, ces plantations, il y en avait un qui avait péri, alors il fallait bien le replanter, mais il y en a eu un autre qu'on a planté, je dirais moralement, pour soutenir le moral des gens qui n'avaient plus assez de travail et plus assez de pain, et à un moment où cette presqu'île qui n'a pas de céréales crevait de faim. Donc voilà. Un contexte varié, historiquement assez compliqué, mais qui débouche sur une certaine liberté. Et qui débouche sur quelque chose qu'alors personne n'imaginait, une nouvelle persécution. La période de la terreur, la période où tout à coup on impose le culte de la raison, le fait que les cultes chrétiens devraient être abolis, le dimanche remplacé par un décadie, les assemblées d'églises supprimées, stupéfaction. Et là, et je le dis beaucoup, les catholiques, qui ne s'y attendaient pas du tout, ont beaucoup plus souffert que les protestants, beaucoup plus. Les pasteurs, non. Il y a eu 2, je crois, pasteurs guillotinés, dont Rabaut-Saint-Étienne. Mais des prêtres, beaucoup, et des prêtres arrêtés alors il y a cette histoire de signature. Les prêtres doivent prêter serment à la Constitution. Les pasteurs y sont prêts, mais bien sûr, bravo. Pourquoi? Quel embêtant. Qu'est-ce qu'il y a d'ennuyeux à signer qu'on veut soutenir la Constitution? Mais les prêtres n'ont pas le droit. Le clergé leur demande de ne pas le faire. Donc il y a les signataires, les jureurs, et puis il y a ceux qui refusent. On sait très bien qu'il y a eu des quantités de prêtres arrêtés et très souvent mis dans des camps où ils sont morts de faim et de misère. J'y fais allusion parce qu'il y a un de ces lieux à Rochefort, ces fameux pontons de Rochefort où on a entassé des centaines de prêtres sur 2 bateaux qui soi-disant devaient les exiler aux îles des Antilles, qui ne sont jamais partis. Ils ont attrapé non seulement le scorbut, mais le typhus. Ils sont morts en quantité. Et ce sont des citoyens protestants qui écrivent. On a des documents assez extraordinaires. C'est un citoyen protestant qui écrit à l'abbé Grégoire. Mais vous savez ce qui se passe? Vous savez qu'à Rochefort, il y a des centaines de prêtres en train de mourir sur ces bateaux. Et semble-t-il, à Paris, on ne le savait pas. Ils étaient arrêtés, ils étaient en camp, si je puis dire, voilà. Là, les pasteurs ont beaucoup moins souffert. Mais, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils courbent les chines et ne résistent pas, comme le clergé catholique? Là, j'imagine, mais j'ai quand même trouvé des documents qui le déplorent, qui disent mais enfin il y en a qui ont abdiqué, il venait d'être enfin reconnu, et il y a des pasteurs, en particulier en Cévennes, qui ont abdiqué leur ministère, qui ont dit je peux très bien ne plus être pasteur, bon, alors qu'on avait donné sa vie, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'imagine, mais encore une fois, je n'ai là pas de preuve, dans un dialogue final avec le pasteur Mazoric, qui est un ami pour François, qu'au fond, beaucoup ont pensé faire semblant. On connaît, on a déjà fait ça longtemps. S'il faut recommencer, on recommence. Faire le souterrain et organiser des cultes au désert, on a l'habitude, on va recommencer. Si c'est interdit de faire des cultes normaux, on va recommencer à faire des cultes clandestins. Et du coup, voilà, ils s'en sont relativement mieux tirés, bien tirés, à la honte d'un certain nombre de gens. Et je fais comme si, je n'en sais rien, je fais comme si mon vieux François en avait un peu honte. Nous n'avons pas été fidèles, nous n'avons pas été à la hauteur d'une vraie résistance. On a courbé le dos, on a dit bon, bon. D'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps. Même Robespierre, qui va être exécuté à son tour, même Robespierre est ennuyé que ça ait pris des formes aussi importantes et dit il faut quand même revenir au culte de la raison. Bon, n'empêche, Robespierre meurt, la fin de la terreur 93-94, et on essaie de se remettre debout une deuxième fois. Ce qui est long et difficile, et qui ne se passera pas sans à coup. Il y en a qui n'ont repris qu'en 15, il y en a... Ça a été lent et difficile. Ici en Alsace, le pasteur Oberlin avait fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il avait décidé que puisqu'on ne pouvait plus avoir des cultes réguliers, eh bien, on se réunirait le décadie, vaille que vaille, c'est déjà ça, et ça s'appellerait le club républicain. Et au club républicain, on peut parler de morale, en tout cas, on peut dire aux gens comment il faut aimer son prochain, par exemple, et puis on peut... Mais il avait, le pasteur Mazoric avait fait une imprudence. Il avait dit, on peut aussi parler... de notre espoir qu'il y ait quelque chose après la mort. Alors, on ne va pas appeler ça l'âme, parce que l'âme, c'est quand même peut-être un peu trop chrétien. On va dire le principe de notre être. Le principe de notre être ne disparaîtra pas. Et alors, il avait prêché là-dessus, et il y avait eu un rapporteur qui avait assisté à ce message du club républicain et qui avait dit « Oh, c'est inadmissible, ces pasteurs qui font semblant et qui prêchent leur évangile comme d'habitude. » Et il avait été, donc, Mazoric en prison. De son côté, je ne sais pas ce qu'avait prêché Oberlin, mais il a aussi été en prison pour quelques semaines, pas très longtemps, un mois peut-être, quelques temps, parce qu'il avait lui aussi, dans son club républicain, tenu des propos jugés trop confessionnels. Mais je blague, est-ce que vous avez encore un tout petit peu de patience? Alors, donc, on va arriver, après cette très dure période dont on se relève à grand-peine, à l'Empire. Et là, alors, il y a une stupéfaction pour les protestants. Ce Bonaparte décide, avant même d'être empereur, ce Bonaparte décide de discuter, alors qu'il est premier consul, il discute avec le Vatican, il obtient un concordat et il dit « Les prêtres seront payés, les pasteurs seront payés et quelques années plus tard, les rabbins seront payés. » Les pasteurs, c'est pour eux, je pense, une stupéfaction complète d'être à égalité avec le clergé catholique. On donnait sa vie, ensuite on courbait les chines et vaille que vaille, on survivait, mais maintenant on est payé comme les autres. C'est tout à fait étonnant. Je crois qu'on ne se rend pas compte maintenant de ce tournant très très stupéfiant. Ici on s'en rend encore peut-être moins compte que dans l'intérieur, comme on dit. Voilà. Donc le tournant positif du début de l'Empire. Il y a un document, j'aurais dû vous l'apporter parce que c'est un... Mais il pleuvait. Un livre ancien magnifique qui est de 1806 ou 7 et qui est la France protestante du début de l'Empire. C'est d'abord un pays beaucoup plus grand que le nôtre actuellement, comme vous savez. Il y a la Sarre, il y a Genève, il y a des provinces du côté de la Belgique. Bien, c'est un très très grand empire. Et on a pour chaque région le nom du pasteur, l'assemblée consistoriale dont il est chargé, parce qu'il faut dire un mot de ça, l'assemblée consistoriale dont il est chargé, et les anciens qui siègent à ses côtés. Et pour la Charente, on a le nom de tous les villages de cette assemblée consistoriale et naturellement, parmi les anciens, Montfrançois Chevalier l'Étang, qui est indiqué comme propriétaire. C'est ce qui m'a permis de dire qu'il s'intéressait aux questions religieuses. Parce qu'autrement, dans la période où il est maire et avec toute la documentation qu'on a sur sa responsabilité de maire de sa paroisse, on n'a pas un mot religieux. Pas du tout. Et au moment où je le fais raconter ses mémoires et ses souvenirs, François, c'est dans les années de la fin de l'Empire, François est membre de l'assemblée consistoriale de la Tremblade. Donc, s'il a été nommé, c'est qu'on a considéré qu'il était suffisamment resté huguenot pour pouvoir le faire, pour pouvoir siéger dans ce conseil. Alors, les articles organiques de 1802, dont nous dépendons encore un petit peu, ces articles organiques disaient les églises doivent être regroupées par 6000 âmes. C'était sans doute plus facile côté catholique, côté protestant, 6000 âmes, ça faisait beaucoup de villages. Et dans la région là, tous les villages, 13 ou 14 communes différentes, c'est beaucoup, avec un seul pasteur, et les membres des conseils de ces églises consistoriales devaient être choisis, ça c'était bien organisé par Napoléon, parmi les plus imposés, c'est-à-dire des gens qui sont considérés comme un peu arrivés, un peu riches, un peu voilà. Et donc ça signifiait aussi un peu des notables dans leur coin, et qu'ils seraient éclairés un petit peu, qu'on pourrait sans doute moins avoir des revendications populaires de gens beaucoup plus pauvres, alors que précisément les églises réformées avaient toujours dit que la richesse pour être membre d'un conseil presbytéral était un critère nul qui n'avait jamais servi, et tout à coup maintenant c'était un des critères. Donc, grâce au fait que j'ai trouvé Montfrançois sur ce livre, sur ce précieux livre, j'y ai aussi trouvé au début, grâce au fait que je l'ai trouvé là, j'ai compris qu'il s'était intéressé aux questions religieuses, mais dans ce livre, j'ai aussi trouvé des éloges absolument délirants sur le premier consul et ce bienfaiteur, n'est-ce pas, ce grand bienfaiteur qui nous donne le même statut qu'aux prêtres. Et ensuite viennent les longues guerres et les incroyables quantités de morts des guerres de l'Empire. Et je pense que c'est ce que j'essaie de dire à la fin du livre, la joie, la reconnaissance qu'on a à l'empereur est beaucoup diminué par tous ces enfants morts un peu partout en Europe et dont on ne sait en général rien, parce que j'ai eu confirmation que à cette époque, ceux qui mouraient à la guerre, les familles n'avaient jamais d'avis de décès, on ne pouvait pas, et que par conséquent on ne pouvait en avoir la preuve ou l'assurance que grâce à des voisins ou amis qui avaient pu voir ou savoir la mort de tel ou tel. Alors, je n'ai pas beaucoup insisté sur les guerres de l'Empire. Le vieux François raconte ce qu'il a frappé dans les récits des fils qui y ont participé. Il raconte en particulier comment ce fils qui vient de mourir de mort naturelle, probablement d'un infarctus, alors qu'il n'a pas 40 ans, lui avait raconté qu'après une des grandes, magnifiques victoires en Allemagne, il s'était trouvé devant un officier prussien qui parlait français, qui avait un nom français et qui était un ancien huguenot. Ensuite, il s'était trouvé devant ceux qui étaient amputés à vif. Et voilà, ce fils lui avait raconté que la chose la plus terrible, c'était d'avoir tué à bout portant lui-même, ou lui, ou moi. Et il se demandait si le garçon n'était pas mort d'infarctus à la suite de ses émotions. Bon, j'ai raconté quelques autres histoires, mais au fond, dans l'idée que les grandes gloires napoléoniennes se sont accompagnées de beaucoup, beaucoup de souffrances dont nous n'avons plus tellement idée, sauf en nous référant maintenant aux horreurs d'il y a un siècle. Alors, qu'est-ce que je vais dire de plus? Je m'arrête. Je voudrais quand même dire qu'il me semble qu'on ne doit pas oublier. J'avais très peur que le premier livre soit reçu comme anti-écuménique. Et j'ai été consolée de constater que mes amis catholiques ne l'ont pas reçu comme ça et ont compris que ce n'était pas dans mon esprit anti-écuménique, mais que c'était un effort de mémoire et qu'on ne pouvait pas ne pas savoir ce que ses ancêtres ont dû vivre. Et maintenant qu'on ne peut pas non plus ne pas savoir comment on a récupéré la liberté avec des ombres, pas mal d'ombres, mais aussi la reconnaissance d'être tous égaux en droit. Je vous remercie. Oui, attendez quand même, il faut finir d'une manière plus pieuse en disant quelque chose comme, voilà, retrouver aussi peut-être davantage que la prédication moralisante de ces pauvres pasteurs mal formés à Lausanne. Je peux en parler d'autant plus que j'ai un ancêtre suisse qui faisait partie des enseignants de ce séminaire de Lausanne. Il s'appelait Levade. Et que je m'amuse à le mentionner dans mon bouquin en disant que le pasteur Mazoric avait gardé souvenir de son professeur de morale. Mais voilà, Levade enseignait la morale. Alors donc, nous avons sans doute des devoirs de fidélité, mais aussi, en tout cas au minimum, de connaissance. Je vous remercie.